prends tes branlées, tes joints. Bienvenue chez les fourriens. Moi j'ai encore jusqu'à la mort, mon canon s'aborde. Je suis de l'or et ma tête est fort. En direct de bruit, découvre la mélancolie. Je suis la lune de la vie, je suis bourré d'énergie. J'ai encore jusqu'à la mort, ma vie sans ordre. Et je fais notre corps de ma lexicore. Panté, branlette et joint, bienvenue chez les fourriens. Ouais, je fais rien. Ouais, c'est bien. Ouais, je fais rien. Ouais, c'est bien. Ouais, je fais rien. Et c'est bien. Ouais, je fais rien. Ouais, c'est bien. Bienvenue chez les fourriens.